Il est 18h sur CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple et on va maintenant plonger dans le domaine des ressources minières. Alors, vous le savez, c'est un secret pour personne. Jean Charest a mis le plan Nord en marche. Il a fait le tour de la planète pour attirer les investisseurs. Il met de l'avant l'exploitation des ressources minières, par exemple, pour créer des emplois, pour financer les services publics. Mais qu'en est-il vraiment de ces ressources minières? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Comment les exploiter dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire avec des préoccupations économiques, mais aussi environnementales et sociales. Alors, toutes ces questions font un petit peu le sujet d'un livre qui est intitulé « Le défi des ressources minières ». C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Multimonde. L'auteur en est Normand Mousseau. Il est physicien à l'Université de Montréal et il a déjà écrit d'autres ouvrages de vulgarisation, par exemple sur le pétrole et les gaz de schiste. Et il est en ligne au téléphone avec nous. Bonjour, Monsieur Mousseau. Bonjour. Alors, c'est un portrait assez large que vous dressez sur les ressources minières parce que vous commencez par un historique rapide sur de la métallurgie qui remonte assez loin dans le temps et vous enchaînez sur les principaux gisements à travers la planète. Donc, par exemple, quels sont les gros producteurs de métaux à travers le monde? En fait, on oublie souvent que c'est la Chine qui est devenue depuis peut-être une dizaine d'années le principal producteur de minerais dans le monde. Mm-hmm, donc, à la fois le premier consommateur et le premier producteur de fer, près de 40% du fer de la planète est produit en Chine. Oui. Et donc, c'est vraiment celui qui contrôle à la fois la demande et l'offre ces jours-ci. Ben oui, c'est ça que j'ai trouvé surprenant, que j'ai appris avec surprise en lisant votre livre, parce qu'on entend dire que la Chine importe, a besoin de métaux, mais finalement, j'ignorais complètement que c'était elle-même un gros producteur, qu'elle avait une situation particulière. Oui, c'est vraiment c'est la Chine qui fait le beau temps et le mauvais temps dans le domaine. Alors et ensuite parmi les gros producteurs, évidemment, on a l'Australie, le Brésil, l'Indonésie, on a le Canada dans son ensemble qui est un gros producteur, mais quand même nettement en dessous des premiers. D'accord. Et donc, j'imagine qu'au fil des temps, ces gisements s'épuisent. Où en sont ces gisements? Est-ce qu'on trouve régulièrement des nouveaux gisements pour faire face à la demande grandissante de la Chine? Les gisements sont recherchés à mesure que les anciens gisements s'épuisent. Donc, on n'a pas vraiment une connaissance fine de tout ce qui reste sur la planète parce que c'est seulement lorsqu'on est en situation de tension qu'on va se mettre à chercher. Si on regarde sur la planète, par exemple, plus de 50% des investissements pour la découverte, l'exploration des nouveaux métaux, plus de 50% va dans un seul métal, l'or. Et tout le restant est vraiment en réponse aux besoins des minières. Pourtant, l'or, c'est pas ce dont on a le plus besoin dans l'industrie. Non, mais l'or est plus facile à vendre aux investisseurs non professionnels. Ah oui. Alors, c'est aussi un métal qui permet beaucoup de spéculation, beaucoup de jeux, beaucoup d'argent qui se fait, même quand on découvre aucune once d'or. Est-ce que ça implique aussi, on va rechercher des nouveaux gisements, au fur et à mesure, finalement, qu'il y a une pression, qu'il y a une demande pour certains métaux. Mais est-ce que ça implique qu'il faut chercher de plus en plus loin ou de plus en plus profondément dans le sous-sol? De plus en plus loin, de plus en plus près aussi, c'est un peu un des deux. Donc, à la fois, on est obligé d'aller dans des régions très éloignées, mais aussi, on va se retourner vers des mines qui sont très près des villes, très près des endroits où les gens habitent, et ça cause énormément de bouleversements en ce moment-là. Oui. C'est un peu une situation, on veut aller gratter partout. On a échantillonné les régions les plus faciles d'accès, les plus sympathiques, et là, on va se retourner vers des régions soit plus difficiles, comme le Grand Nord canadien, soit, comme je disais, tout près des villes, comme à Malartic, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est là qu'on peut se poser la question. Il va y avoir forcément des impacts environnementaux proches que les gens vont voir directement ou dans des régions éloignées qu'on n'a pas forcément envie de dégrader. Puis, de toute façon, même dans les régions éloignées, il y a des communautés autochtones qui vivent. Donc, comment concilier cette exploitation minière avec le développement durable? C'est le grand défi. Je dirais présentement, il n'y a pas de réponse nulle part sur la planète, aucun modèle qui est vraiment satisfaisant. C'est le grand défi parce qu'on oublie souvent, quand on parle de redevances, on parle de prix du minerai, on oublie souvent l'impact sur les communautés locales qui peut être très important. impact aussi sur l'environnement. Juste au Québec, par exemple, les mines abandonnées, on évaluait en 2009 que ça nous coûtait à peu près 300 millions de dollars pour mettre, réparer, nettoyer ces mines-là. Et aujourd'hui, on estime à plus de 1,2 milliard de dollars ce que ça va nous coûter. Mmh. Donc, c'est du vrai argent aussi. Mmh. Oui, oui, exactement. Puis, en termes de conséquences sociales, est-ce que, par exemple, les populations proches de ces mines-là ont des retombées? Elles ont des retombées, mais elles souffrent aussi. C'est toujours un bilan un peu mitigé. Mmh. C'est certain qu'il y a de l'emploi, des emplois bien payés. Mais en même temps, on déstabilise la communauté parce que c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ces emplois-là. Alors, on fait augmenter les prix du logement, on fait augmenter toutes sortes de dépenses et il devient difficile de payer les gens qui font les services. Alors, ça déstabilise les régions. Et en plus, les mines, de plus en plus, sont exploitées très rapidement. Ce qui fait que après une dizaine d'années, les gens sont habitués à des bons salaires, ont pris des hypothèques et tout, ils se retrouvent mis à la porte et dans des situations extrêmement difficiles. Ah oui, puis là donc l'industrie est partie et les emplois créés ne sont plus et donc les gens se retrouvent avec pas grand-chose. Voilà, donc c'est la difficulté d'une industrie cyclique et en plus de ressources comme ça, parfois assez limitées. Ouais. Dans votre livre, vous parlez de malédiction des ressources. Est-ce que ça en fait partie? Qu'est-ce que c'est finalement la malédiction des ressources? C'est un peu contradictoire parce qu'on se dit, c'est une chance pour un pays de disposer de ressources minières dans son sous-sol, ça va faire des redevances, ça va créer de l'emploi, mais donc pourquoi des malédictions? La malédiction parce que la question, et c'est un économiste argentin dans les années 1940 qui s'est posé la question, est-ce qu'on est mieux de faire du développement industriel ou du développement des ressources naturelles? Et ce qu'il a montré, c'est que une tonne de fer, par exemple, aujourd'hui achète beaucoup moins de biens que la même tonne de fer il y a 40 ans. Pour un pays qui décide à ce moment-là de se consacrer à l'exploitation des ressources, ça veut dire que pour garder sa richesse et donc comparativement aux autres pays, il faut qu'il exploite de plus en plus vite, de plus en plus fort ses ressources naturelles, simplement pour faire du surplace d'un point de vue économique. Mm-hmm. Et cette malédiction-là, elle est là. C'est-à-dire qu'il est toujours risqué pour un pays de sacrifier son industrie pour aller vers l'exploitation des ressources. Mais pourquoi est-ce qu'elle doit sacrifier son industrie pour aller vers l'exploitation des ressources? Un pays ne peut pas faire les deux? C'est ce qu'on appelle aussi la maladie hollandaise un peu. Donc, le problème, c'est que quand il y a beaucoup de ressources, par exemple, un pays comme le Canada, qui est un pays de ressources, sa monnaie est liée de façon très forte au prix du pétrole et au prix des minerais. Donc, quand le pétrole et les minerais valent beaucoup d'argent, le dollar canadien monte et il rend beaucoup moins compétitif l'industrie. À ce moment-là, cette industrie-là va disparaître. Oui. Et il est très, très difficile de la ramener et de la remonter. Construire une industrie, un secteur particulier, ça prend des dizaines d'années. Est-ce que c'est pour ça, entre autres, qu'il faut veiller à maintenir, à développer la transformation des minerais sur place pour qu'au moins il se développe une industrie de transformation des minerais et que peut-être cette industrie-là perdure une fois que la mine ferme les portes? Oui. C'est certain qu'il faut absolument développer les industries secondaires et tertiaires parce qu'elles sont beaucoup moins sensibles aussi au prix du minerai. Donc, la mine elle-même, la vitesse à laquelle on va extraire du minerai va fluctuer énormément en fonction des prix. Or, l'industrie secondaire est moins sensible à ça et pourra donc permettre de stabiliser un peu les emplois créés et aussi de développer un savoir-faire qui, lui, pourrait être exporté quand il n'y aura plus de minerai à exporter. Alors, si on revient un petit peu au Québec, parce que vous parlez un petit peu de toutes ces choses-là dans votre livre, et puis vous parlez aussi de différents modèles de développement des ressources dans d'autres pays, en Indonésie, je crois, en Australie, quelques pays. Donc, si on revient maintenant au Québec et au plan Nord, d'abord, est-ce que le Québec est un joueur important dans la production de métaux? Non, c'est un petit joueur. Mm-hmm. On produit peut-être... Un sixième, un dixième de ce qui se produit en Australie, par exemple. Oui, d'accord. Et est-ce que ça représente beaucoup, cette production minière du Québec, dans le PNB du Québec C'est à peu près 4 %. 4 %? Ça reste relativement faible. D'accord. Et ça dépend des années, parce qu'en fait, les prix ont fluctué beaucoup ces dernières années. Ouais. Mais c'est entre 8 et 10 milliards de dollars que ça représentait là, en termes de valeur. Uh-huh. Et en termes de main-d'œuvre, par exemple, parce qu'on parle, bon, par exemple, avec l'ouverture de nouvelles mines prochainement, je crois qu'il y avait eu des chiffres qui étaient parus plus tôt cette année, que ça créerait, je ne sais plus, 10 000 emplois d'ici 2015 ou 2020. Est-ce que c'est beaucoup pour le rapport qui avait été publié, qui est par une firme d'ingénierie, le consultant, en fait, ce qu'il montrait, c'est que c'était plutôt basé sur le fait que le gouvernement allait investir des milliards de dollars dans les routes, des nouvelles infrastructures pour générer l'électricité pour l'industrie. Et c'est là qu'était l'essentiel des emplois. Mm-hmm. Quand on regarde, par exemple, les immenses mines de fer qui seront ouvertes près de la frontière avec le Labrador, eh bien, ces immenses mines-là vont produire très, très peu d'emplois, créer très peu d'emplois. On estime à peu près là à 4 emplois par 10 millions de dollars. Donc, 10 fois moins qu'une firme comme IBM, qui est, elle, basée sur les individus. Donc, une firme comme IBM, pour 10 millions de dollars, il aura créé une quarantaine d'emplois. Alors, est-ce que le Québec pourrait souffrir de ce qu'on appelle donc la malédiction des ressources? Si on fait pas attention, oui. Il faut pas simplement ouvrir notre territoire à l'exploitation puis laisser le minerai partir, quitter le pays immédiatement. Alors, à lumière de toutes ces réflexions que vous avez pu faire en lisant aussi, parce que votre livre est très documenté, hein, y a plein de notes de bas de page où il y a des références aussi, là, vous avez appuyé sur une lourde littérature. Donc, à la lumière de toutes les réflexions que vous avez pu faire, comment exploiter au mieux ces ressources pour que finalement chacun en profite, sans nuire à l'environnement, sans mettre à mal les autres secteurs d'activité, puis en garantissant aussi un avenir aux communautés locales? Je pense que la première chose à faire, c'est de revoir la loi des mines actuelle, qui est complètement désuète, et d'enlever le principe du free mining, c'est-à-dire de laisser le free mining, présentement, tout le territoire du Québec est ouvert à l'exploitation minière tout le temps. Ouais. Donc, il faut reprendre un contrôle comme population sur le territoire et où on pourra développer des mines. Ensuite, il faut développer des modèles économiques où une partie, par exemple, des redevances pourra retourner dans les régions pour que ces régions-là puissent bénéficier d'argent pour développer une économie plus diversifiée. Il faut aussi contrôler la vitesse à laquelle on va permettre l'exploitation des ressources, parce que si une mine se développe sur 25-30 ans plutôt que sur 10 ans, ça laisse plus de temps à la communauté locale de trouver des alternatives et de développer d'autres sources d'emploi qui, elles, sont viables. Tout ça dans un contexte où il faut aussi s'assurer qu'on supervise correctement les impacts environnementaux des mines, qu'on s'assure qu'elles respectent les réglementations, qu'on s'assure qu'elles nous laisseront pas à la fin avec des problèmes environnementaux qui vont coûter une fortune, littéralement. Ça ressemble à un gros défi, hein? D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, d'ailleurs. C'est un défi, mais je pense qu'on peut le relever, et c'est aussi une chance pour nous de développer un modèle qui va être approprié. Comme je disais, il n'y a pas de modèle parfait sur la planète présentement. Alors, c'est une occasion de faire voir notre imagination, notre capacité à nous prendre en main. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Mousseau, d'avoir éclairci quelques-unes de ces questions. Et pour en savoir plus, finalement, il suffit de lire votre livre qui s'appelle donc « Le défi des ressources minières ». Donc, comme je le disais, c'est un livre complet sur la question qui est très bien documenté et étayé. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, je rappelle que Normand Mousseau est physicien à l'Université de Montréal. Il est aussi passionné de vulgarisation scientifique et que, outre les livres qu'il a écrits, il est lui-même animateur d'une émission scientifique, La Grande Équation, à la radio Ville-Marie à Montréal. Alors maintenant, on part en pause musicale, mais vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle de l'effet du tabagisme sur les gènes.